Vous écoutez Futur Simple au 89.1 et nous ouvrons l'émission sur un sujet à la fois concret et pourtant difficile à exprimer ou à percevoir. Il s'agit de la douleur. La douleur est concrète pour la personne qui la ressent. Quand on a mal quelque part, il est difficile d'échapper à la douleur. Mais quand vient le temps de saisir la douleur d'une autre personne, il est difficile d'évaluer l'intensité de la douleur, le type de douleur ressentie. Alors à l'école de psychologie de l'Université Laval, il y a des chercheurs qui étudient cette question, comment percevoir la douleur d'autrui. Et le professeur Philippe Jackson de cette école de psychologie est ici pour nous en parler. Bonjour professeur Jackson. Bonjour. Donc d'abord, j'aimerais savoir un petit peu, finalement, la douleur d'autrui, ce n'est pas notre propre douleur. Donc pourquoi s'intéresser comme ça à la douleur d'autrui? Ouais, en fait, si je peux revenir sur un historique un peu de mon parcours, pourquoi je me suis intéressé à la douleur d'autrui, c'est que je me suis posé la question dans mes études postdoctorales, comment on fait pour se poser la question comment l'autre se sent, puis on s'est dit comment on va faire pour solliciter chez l'autre une émotion qu'on va pouvoir partager avec l'autre. Donc, comment on fait pour partager les émotions des autres. Puis on est tombé sur la douleur pour différentes raisons, parce que la douleur, en fait, il y a cette capacité ou cette propriété, il y a une dimension à la douleur qui est affective, qui est donc le ressenti, le désagrément de la douleur, mais il y a aussi cette composante qui est plus sensorielle ou ce qu'on appelle sensorie discriminative, qui, elle, est très bien représentée dans le cerveau. Donc se faire mal à un pied ou se faire mal à une main, c'est pas représenté exactement au même endroit dans le cerveau. Alors, c'est pour ça que la douleur devenait un modèle de comment utiliser, de comment solliciter chez l'autre une sensation qui serait à la fois sur une dimension affective, donc émotionnelle, et une dimension plus sensorielle. Donc là, ce que vous venez de dire, c'est que si on a mal au pied ou mal à la main, ça imprime pas, ça active pas les mêmes zones du cerveau, c'est ça? Ben, la partie sur la douleur peut être similaire, mais la partie sur la représentation de la sensation, de l'intensité de la sensation, par exemple, si on se cogne le pied, la représentation sur une région du cerveau qu'on appelle le cortex somatosensoriel ne sera pas la même que la région si on se frappe la main, par exemple. Alors, comment on fait pour percevoir la douleur chez quelqu'un? Qu'est-ce qui nous indique qu'une personne est en souffrance, finalement? Bien, il y a plusieurs indices. En fait, le champ de recherche dans lequel j'étudie, c'est un peu la communication de la douleur, justement, quels sont les signes qu'on détecte chez autrui. Il y en a plusieurs, puis ce qu'on utilise beaucoup dans le laboratoire, c'est l'expression faciale de douleur ou la grimace de douleur. C'est une grimace qui est assez universelle, qui est assez typée. Il y a des traits spécifiques qui sont décodables, qui sont reproduisibles aussi de façon artificielle par des acteurs, qui sont assez... reproduisible. Donc, d'une fois à l'autre, on peut produire un visage que la plupart des gens reconnaissent comme étant de la douleur. Donc, il y a un visage de douleur qui n'est pas le visage de la surprise, qui n'est pas le visage d'une autre émotion. On sent que la grimace est plutôt vers le bas plutôt que d'être en grand sourire, là. D'accord. Mais donc, si on est capable de percevoir la douleur chez quelqu'un, là, par son expression faciale, est-ce que ça veut dire qu'on est équipé dans notre cerveau pour peut-être interpréter cette douleur-là? Est-ce qu'on sait ce qui se passe dans le cerveau? Oui, c'est comme ça qu'on a commencé. En fait, on s'est dit, il y a d'autres travaux dans d'autres champs de recherche, par exemple, sur la représentation des mouvements, qui avaient montré que quand on produit des mouvements ou quand on voit d'autres personnes faire des mouvements, c'est un peu les mêmes régions du cerveau qui sont impliquées. Donc, une espèce de représentation des mouvements des autres. Puis, on a voulu enchaîner, donc, voir est-ce que c'est vrai pour d'autres comportements, d'autres sensations, comme la douleur. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est est-ce que quand on voit les autres qui ont de la douleur, on va utiliser nous-mêmes les mêmes régions du cerveau, les mêmes structures que lorsqu'on vit nous-mêmes de la douleur. Donc, c'était l'hypothèse de base. Puis, c'est ce qu'on a démontré dans nos premiers travaux, c'est que c'est vrai, mais en partie seulement. On pense qu'il y a l'aspect affectif, donc la dimension désagrément qui est communiquée directement, qui active des régions du cerveau qui traitent ce genre d'informations-là lorsqu'on voit la douleur des autres, mais pas nécessairement la dimension sensorielle, avec certaines réserves, mais en général, les premiers travaux montraient que, ce que je disais tantôt par rapport aux pieds et aux mains, voir quelqu'un d'autre frapper la main ou le pied, ça change pas grand-chose sur la représentation de notre cerveau. Mais donc, comment on fait des expériences pour mettre ce genre de choses en évidence? C'est ça qui n'est pas évident à avoir. Vous allez voir ce qui se passe à l'intérieur du cerveau, mais en même temps, il faut que vous ayez des gens à qui vous fassiez expérimenter de la douleur. On fait comment? Oui, bien ça fait toujours sourire les gens quand je dis que dans le laboratoire, on est équipé pour faire mal aux gens, mais c'est un peu ce qu'on fait. C'est qu'il y a différentes façons de faire. D'abord, pour produire de la douleur expérimentale. On a des instruments qui vont, par exemple, chauffer une petite portion de la peau de 3 cm carrés à des températures qui s'approchent de la température de l'eau chaude qui sort du robinet, qui peut être douloureux si on garde longtemps. Quand même, ouais. Donc, les sujets sont toujours libres d'en retirer leurs mains puis sont avertis qu'ils vont avoir de la douleur et tout. Mais ça nous permet de faire de la douleur de façon expérimentale et localisée aussi, et de voir l'activité du cerveau. Puis pour la douleur des autres, ce qu'on fait, c'est que dans un premier temps, on avait développé une série d'images de situations qui peuvent être douloureuses, comme un doigt qui se coince dans une porte, un doigt qui reçoit un couteau, le pied coincé dans la porte encore. Donc, des images comme ça de la vie un peu de tous les jours qui sont clairement associées à de la douleur. C'est donc avec ces stimuli-là qu'on avait fait les premières études pour montrer que quand on voit ce type d'image-là par rapport à une image d'un pied qui est à côté de la porte mais pas dans la porte, ben, il y a du changement d'activité cérébrale dans des régions comme le cortex singulaire antérieur, l'insula antérieure, qui sont des régions qui traitent des dimensions affectives de la douleur. Donc là, vous êtes équipé aussi en imagerie cérébrale pour aller voir ce qui se passe dans le cerveau quand les gens là, qui font les expériences sont soumis à ces différents stimuli. Oui, exactement. Ouais. Il y a différentes techniques qui peuvent être utilisées, comme l'électroencéphalographie ou l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. Qu'on peut faire ici à Québec. Donc là, je comprends que vous êtes capable de voir si... qu'on est capable de percevoir la douleur, mais maintenant, est-ce qu'on est capable de percevoir l'intensité de la douleur? Donc la grimace va peut-être nous dire, oui, la personne a mal, mais est-ce qu'elle a beaucoup mal? Est-ce qu'elle n'a pas beaucoup mal? Comment on fait pour évaluer ça? Ça, ce qu'on faisait de façon toute simple, c'est qu'on demande aux gens d'évaluer sur une échelle une ligne, finalement, une ligne continue de 0 à 100, puis les gens doivent coter la douleur qu'ils pensent que les autres ont. Puis, ce qu'on a démontré, c'est qu'il y a des régions du cerveau, comme le cortex singulaire antérieur, l'activité dans cette région-là va être proportionnelle à la cote qu'on attribue aux gens. Donc, plus on voit de douleur chez l'autre, plus on attribue de douleur, plus il y aura eu d'activité dans cette région-là. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'erreur? Est-ce que la cote qu'on attribue est toujours la même? Est-ce que, par exemple, s'il y a 10 personnes qui regardent un même stimulus qui doit normalement induire une sensation de douleur, les 10 personnes vont vous donner la même cote? Absolument pas. Et même que ces 10 personnes-là vont probablement donner une cote différente que ce que la personne même qui vit la douleur donne. D'où le problème majeur et qui est un peu le cœur de la subvention qu'on a eue l'an dernier, c'est... de déterminer un peu comment, quelle est la cohérence entre ce que la personne ressent et ce que d'autres personnes évaluent. Puis, en fait, certains diront qu'il y a seulement la personne qui vit la douleur qui peut vraiment donner une image de son ou une idée de son expérience, mais n'empêche que dans le monde médical, on n'a pas le choix de se fier à l'opinion de quelqu'un d'autre pour évaluer. Donc, nous, ce qu'on étudie dans le laboratoire, c'est à quel point les professionnels de la santé sont habilités ou sont juste à évaluer la douleur des autres et est-ce que l'expérience qu'ils ont dans le domaine de la santé, entre autres le fait qu'ils sont exposés à la douleur de façon journalière et répétée, est-ce que ça peut changer, un, la façon que le cerveau répond à la douleur, mais si oui, parce qu'il y a des données préliminaires qui suggèrent que oui, est-ce que ensuite le traitement qu'ils peuvent offrir aux gens ou la réaction empathique ou quoi peut elle aussi évolue. Oui, c'est ça, parce que finalement, un personnel médical qui est souvent exposé à des gens qui expriment une douleur, est-ce qu'il peut pas être amené à banaliser un petit peu la douleur et à la sous-estimer? Tout à fait, puis ça, c'est documenté aussi que les professionnels de la santé, différents professionnels de la santé, en général, sous-estiment la douleur d'autrui par rapport à des gens qui sont pas dans la profession de santé. Mais il y a des raisons aussi, probablement, qui expliquent que les gens qui sont dans un domaine comme ça sont désensibilisés, si on peut dire. Peut-être que c'est une réponse normale aussi de réaction, de protection, d'habituation face à des stimuli aversifs continuels dans une journée. Alors, cette réaction-là, si elle est normale, il faut juste faire... Il faut essayer ce qu'on veut faire dans le laboratoire et dans le programme de recherche sur 5 ans, c'est qu'on veut trouver des façons de, si c'est le cas, qu'il y a une sous-évaluation, de faire en sorte que l'évaluation va être rétablie, mais sans pour autant amener de la détresse de plus aux professionnels de la santé qui sont déjà sous pression. C'est ça, parce que c'est peut-être pour se protéger lui-même. Il ne peut pas tout prendre non plus sur ses épaules. Exact. Donc, c'est peut-être une réaction de protection pour lui-même. C'est ça. Vous avez fait des expériences aussi avec des infirmières face aux nourrissons, je crois? Oui, ça, on a fait des premières études. En fait, dans les stimuli qu'on développe, comment on fait pour solliciter la douleur, un de mes postdocs, Margot Latimer, qui est maintenant professeure à Halifax, elle avait développé une série de vidéos de prix dans les soins néonataux, des bébés qui reçoivent soit des ponctions ou des gestes qui sont douloureux. Puis, on utilisait ces stimuli-là pour solliciter comment les gens cotaient la douleur des autres. Et ce qu'on a montré dans un premier temps au niveau comportemental, c'est que les infirmières sont très habilitées, les infirmières qui travaillent en soins néonataux sont très habilitées à détecter la douleur. Puis, ils sont plus précis que quelqu'un qui n'a pas cette formation-là. Donc, au niveau, si on peut dire, cognitif, des connaissances, sont habilitées. Mm-hmm. Mais là, c'est dans une situation expérimentale, c'est pas sur le terrain avec toutes les autres tâches qu'on va faire. Donc, la suite de l'étude, c'est d'aller voir, d'une part, est-ce que le cerveau de gens qui ont été exposés à la douleur, comme des infirmières pendant plusieurs années, la réponse, est-ce qu'elle est changée par rapport à des gens? Puis, si oui, est-ce qu'on peut renverser ça en partie par des formes d'intervention? Ça, c'est un projet à long terme. Puis, on veut aller voir en parallèle à ça, est-ce que ces infirmières-là, est-ce que la réponse ou le changement de réponse cérébrale est associé à la façon qui cote la douleur dans les dossiers des patients, puis qui propose des traitements ou des méthodes pour réduire la douleur, parce qu'il y en a des méthodes. Et donc, vous avez mentionné que vous aviez une subvention cet automne, notamment pour développer un avatar d'empathie. Ouais. Donc ça veut dire quoi, ça? Ouais. Ben, en fait, c'est un projet d'infrastructure de développement technologique de la Fondation canadienne pour l'innovation. Puis ce qu'on veut faire, c'est développer un avatar qui va être capable d'exprimer la douleur, donc un avatar aurait été virtuel ou en deux dimensions, mais un personnage artificiel sur l'écran qui va exprimer de la douleur de façon contrôlée, donc on va être capable de lui faire exprimer de la douleur comme on veut. Une composante de cette subvention-là veut aussi qu'on va pouvoir faire des avatars de gens spécifiques, donc avec des caméras 3D, on peut maintenant faire des scans de gens, puis les remettre sur un avatar, donc remettre une personne qu'on connaît très bien, donc un patient avec son client ou un conjoint avec sa conjointe, on pourrait éventuellement mettre des gens face à un avatar qui représente quelqu'un de spécifique. Ça, c'est un volet, mais l'autre volet qui est le plus challenging, si on veut, puis le plus novateur, c'est on veut que l'avatar soit programmé de sorte que il y a des réponses physiologiques qu'on prend aux gens, des réponses motrices, que ce soit le regard ou que ce soit des réponses physiologiques comme le rythme cardiaque. On veut que l'avatar puisse être modulé en fonction de la réponse de la personne. Par exemple, l'avatar qui va exprimer un visage de douleur, ben, tant que le sujet d'expérience ne va pas regarder l'avatar dans les yeux, ben, la grimace va continuer. Alors, c'est seulement quand l'appareil détecte que les yeux de la personne regardent les yeux de l'avatar, que là, l'expression faciale va diminuer. Donc, on pense que ce genre de développement technologique-là pourrait aussi éventuellement nous aider à entraîner des gens, à différents aspects de l'empathie. Et donc, entraîner les gens à différents aspects de l'empathie. Et finalement, l'objectif ultime, c'est de permettre d'avoir des nouvelles pratiques médicales qui répondent mieux à la douleur, finalement, des gens, de mieux connaître, de mieux comprendre la douleur des patients, et puis de donner les traitements les plus appropriés. Oui, je pense qu'un des objectifs en arrière, c'est certainement de mieux traiter la douleur, qui n'est pas bien traitée dans notre société, malgré tous les moyens technologiques et pharmacologiques qu'on a. Et l'autre part, c'est de mieux comprendre les mécanismes que vivent ces professionnels de la santé-là, parce que le système de la santé est extrêmement sollicité, puis on ne veut pas ajouter non plus du stress supplémentaire dans des conditions qui sont déjà difficiles pour plusieurs professionnels. J'ai passé vite sur l'empathie, on n'a pas parlé de l'empathie, mais comme définition, si on veut, il y a de façon simple, c'est une façon de voir l'empathie, c'est il y a un aspect affectif, donc l'émotion qui va avec, mais il y a un aspect plus cognitif qu'on dit, donc la pensée, on peut se dire volontairement comment l'autre se sent en ce moment, donc c'est l'aspect plus cognitif. Il y a l'aspect comportemental où est-ce qu'on va faire ou non quelque chose envers l'autre. C'est l'aspect de l'empathie qui est à peu près pas étudié, puis pas du côté des neurosciences cognitives. Il n'y a rien de fait à peu près sur ça. Donc, c'est vers là où on s'en va aussi dans le laboratoire. Jusqu'où ce qu'on détecte, nos réactions vont dicter des comportements envers l'autre. Mm-hmm. L'idée, c'est de rentrer les gens en interaction. L'avatar, c'est la façon de contrôler un peu l'interaction. Ben c'est vraiment fascinant. Puis aussi, je remarque que c'est un sujet de recherche multidisciplinaire, je vais y arriver, parce que ça mêle l'imagerie médicale, ça mêle aussi la réalité virtuelle, les sciences cognitives, la psychologie, les pratiques médicales. Donc, c'est toute une recherche qui peut paraître a priori très abstraite, mais qui a finalement des retombées très pratiques au plan médical. C'est ce que je remarque. Donc, je vous remercie beaucoup d'être passé au studio pour nous expliquer vos recherches, Monsieur Jackson. Donc, je rappelle que vous êtes professeur à l'école de psychologie à l'Université Laval. Merci beaucoup, Monsieur Jackson. Merci de l'invitation. Alors, après cette présentation, finalement, de la douleur d'autrui, hein, on a appris qu'on pouvait ressentir la douleur d'autrui en regardant un peu mieux peut-être les visages de nos proches, des gens qui nous entourent. Bien, après avoir fait ce décodage, on passe en pause musicale et vous écoutez toujours CKRL au 89.1.